FSI French Revised, Unit 3, Tape 3. Questions on the dialogue. Oui, Monsieur Santerre. Il est à la gare. Que veut-il? Il veut des billets. Combien de billets veut-il? Il veut 2 billets. Pour Paris? Non, pour Lille. Va-t-il prendre des allers-retours? Non, il va prendre des allers seulement. Part-il le 5 juillet? Non, il part le 6 juillet. Où va-t-il? Il va à Lille. Que va-t-il faire au dernier guichet à gauche? Il va retenir les places. Quel train va-t-il prendre? Il va prendre celui de 19h30. Combien de coins-fenêtres va-t-il louer? Il va louer 2 coins-fenêtres. Dans quel compartiment? Dans un compartiment pour fumeurs. C'est combien? C'est 1 franc. Pour où M. Santerre va-t-il faire enregistrer ses bagages? Il va faire enregistrer ses bagages pour Lille. A-t-il plusieurs malles? Non, il a 1 malle. Combien de valises a-t-il? Il a 1 valise. Comment est la valise? Est-elle verte? Non, elle n'est pas verte. Va-t-il faire assurer les bagages? Non, ce n'est pas la peine. Grammar 1. Noun marker, ce. Learning drills. Learning drill 1. C'est ce restaurant. C'est ce restaurant. Ce café. C'est ce café. Ce billet. C'est ce billet. Ce monsieur. C'est ce monsieur. Ce matin. C'est ce matin. Ce soir. C'est ce soir. Ce livre. C'est ce livre. Ce train. C'est ce train. Ce bureau. C'est ce bureau. Learning drill 2. C'est cette rue. C'est cette rue. Cette femme. C'est cette femme. Cette porte. C'est cette porte. Cette chambre. C'est cette chambre. Cette fiche. C'est cette fiche. Cette date. C'est cette date. Cette malle. C'est cette malle. Cette valise. C'est cette valise. Cette couchette. C'est cette couchette. Learning Drill 3. C'est pour cet étage. C'est pour cet étage. Cet ami. C'est pour cet ami. Cet enfant. C'est pour cet enfant. Cet hôtel. C'est pour cet hôtel. Cet après-midi. C'est pour cet après-midi. Cet étage. C'est pour cet étage. Learning Drill 4. C'est pour ces étages. C'est pour ces étages. Ses amis. C'est pour ses amis. Ses enfants. C'est pour ses enfants. Ses hôtels. C'est pour ses hôtels. Ses arrivées. C'est pour ses arrivées. Ses étages. C'est pour ses étages. Learning Drill 5. Voulez-vous ces billets? Voulez-vous ces billets? Ces livres? Voulez-vous ces livres? Ces fiches? Voulez-vous ces fiches? Ces valises? Voulez-vous ces valises? Ces couchettes. Voulez-vous ces couchettes? Ces chambres. Voulez-vous ces chambres? Learning Drill 6. C'est pour cette date. C'est pour cette date. Cet enfant. C'est pour cet enfant. Ses enfants. C'est pour ses enfants. Ce matin. C'est pour ce matin. Cet hôtel. C'est pour cet hôtel. Ces hôtels. C'est pour ces hôtels. Cette chambre. C'est pour cette chambre. Ces chambres. C'est pour ces chambres. Ce soir. C'est pour ce soir. Practice drills. Practice drill A1. C'est cette chambre. C'est cette chambre. Monsieur. C'est ce monsieur. Enfant. C'est cet enfant. Date. C'est cette date. Soir. C'est ce soir. Fenêtre. C'est cette fenêtre. Valise. C'est cette valise. Train. C'est ce train. Étage. C'est cet étage. Compartiment. C'est ce compartiment. Practice drill A2. C'est pour ces restaurants. C'est pour ces restaurants. Enfant. C'est pour ses enfants. Couchette. C'est pour ses couchettes. Salle de bain. C'est pour ses salles de bain. Fenêtre. C'est pour ses fenêtres. Compartiment. C'est pour ses compartiments. Enfant. C'est pour ses enfants. Practice drill A3. Tutor. C'est pour ses enfants? Student. Non, ce n'est pas pour ses enfants. C'est pour cet enfant? Non, ce n'est pas pour cet enfant. C'est pour ce soir? Non, ce n'est pas pour ce soir. C'est pour ces compartiments? Non, ce n'est pas pour ces compartiments. C'est pour ce compartiment? Non, ce n'est pas pour ce compartiment. C'est pour cet étage? Non, ce n'est pas pour cet étage. C'est pour ces étages? Non, ce n'est pas pour ces étages. C'est pour cet hôtel? Non, ce n'est pas pour cet hôtel. C'est pour cette date? Non, ce n'est pas pour cette date. C'est pour cet enfant? Non, ce n'est pas pour cet enfant. C'est pour cette chambre? Non, ce n'est pas pour cette chambre. Practice drill A4. Tutor. C'est dans cette valise? Student. Oui, c'est dans cette valise. C'est cet hôtel? Oui, c'est cet hôtel. C'est ce monsieur? Oui, c'est ce monsieur. C'est cet enfant? Oui, c'est cet enfant. C'est pour ses enfants? Oui, c'est pour ses enfants. C'est cette rue? Oui, c'est cette rue. C'est dans ses valises? Oui, c'est dans ses valises. C'est dans ce train? Oui, c'est dans ce train. C'est dans cette rue? Oui, c'est dans cette rue. C'est à cet étage? Oui, c'est à cet étage. Practice drill A5. Tutor. La rue est à gauche. Student. Cette rue est à gauche. L'hôtel est à gauche. Cet hôtel est à gauche. L'enfant est là-bas. Cet enfant est là-bas. Les enfants sont ici. Ces enfants sont ici. La femme de chambre est jolie. Cette femme de chambre est jolie. La chambre est petite. Cette chambre est petite. Les chambres sont petites. Ces chambres sont petites. La valise est verte. Cette valise est verte. Les valises sont vertes. Ces valises sont vertes. Le train est en retard. Ce train est en retard. La place est libre. Cette place est libre. Grammar 2. Au, à la, etc. Learning drills. Learning drill 1. Allez-vous à la gare? Allez-vous à la gare? À la location? Allez-vous à la location? À la fenêtre? Allez-vous à la fenêtre? À l'hôtel? Allez-vous à l'hôtel? À la gare? Allez-vous à la gare? À l'enregistrement? Allez-vous à l'enregistrement? Learning drill 2. Je suis à la fenêtre. Je suis à la fenêtre. À la porte. Je suis à la porte. À l'hôtel. Je suis à l'hôtel. À la location. Je suis à la location. À la gare. Je suis à la gare. À l'enregistrement. Je suis à l'enregistrement. À la fenêtre. Je suis à la fenêtre. Learning drill 3. Il est au restaurant. Il est au restaurant. Au café. Il est au café. Au premier étage. Il est au premier étage. Au wagon restaurant. Il est au wagon restaurant. Au bureau. Il est au bureau. Au lit. Il est au lit. Learning drill 4. Est-il au lit? Est-il au lit? Au café? Est-il au café? À la gare? Est-il à la gare? À l'hôtel? Est-il à l'hôtel? Au bureau? Est-il au bureau? À l'enregistrement? Est-il à l'enregistrement? À la location? Est-il à la location? Au premier étage? Est-il au premier étage? À la fenêtre? Est-il à la fenêtre? Au restaurant? Est-il au restaurant? Learning Drill 5. C'est aux employés. C'est aux employés. À l'employé. C'est à l'employé. Aux enfants. C'est aux enfants. À l'enfant. C'est à l'enfant. À l'ami Janine. C'est à l'ami Janine. Aux amis Janine. C'est aux amis Janine. Learning Drill 6. C'est au guichet 2. C'est au guichet 2. Au guichet 2 et 3. C'est au guichet 2 et 3. À la chambre 12. C'est à la chambre 12. Aux chambres 12 et 14. C'est aux chambres 12 et 14. À la sœur de Janine. C'est à la sœur de Janine. Aux sœurs de Janine. C'est aux sœurs de Janine. Practice drills. Practice drill A1. Je suis à l'hôtel. Je suis à l'hôtel. Location. Je suis à la location. Restaurant. Je suis au restaurant. Gare. Je suis à la gare. Enregistrement. Je suis à l'enregistrement. Café. Je suis au café. Fenêtre. Je suis à la fenêtre. Wagon-restaurant. Je suis au wagon-restaurant. Practice drill A2. Tutor. Allez-vous à la gare? Student. Oui, je vais à la gare. Allez-vous à l'hôtel? Oui, je vais à l'hôtel. Êtes-vous au bureau? Oui, je suis au bureau. Êtes-vous au café? Oui, je suis au café. Allez-vous au premier étage? Oui, je vais au premier étage. Êtes-vous à la location? Oui, je suis à la location. Allez-vous au restaurant? Oui, je vais au restaurant. Êtes-vous à l'enregistrement? Oui, je suis à l'enregistrement. Practice drill A 3. Voilà l'hôtel. Allez-vous à l'hôtel? Voilà l'hôtel. Allez-vous à l'hôtel? Voilà le restaurant. Voilà le restaurant. Allez-vous au restaurant? Voilà la gare. Voilà la gare. Allez-vous à la gare? Voilà la location. Voilà la location. Allez-vous à la location? Voilà le café. Voilà le café. Allez-vous au café? Voilà le wagon restaurant. Voilà le wagon restaurant. Allez-vous au wagon restaurant? Voilà la gare. Voilà la gare. Allez-vous à la gare? Voilà le bureau de renseignement. Voilà le bureau de renseignement. Allez-vous au bureau de renseignement? Practice drill A 4. Demandez à la femme de chambre de vous y conduire. Demandez à la femme de chambre de vous y conduire. Le père de Jeannine. Demandez au père de Jeannine de vous y conduire. Les amis de Jeannine. Demandez aux amis de Jeannine de vous y conduire. L'ami de Jeannine. Demandez à l'ami de Jeannine de vous y conduire. Les frères de Jeannine. Demandez aux frères de Jeannine de vous y conduire. La sœur de Jeannine. Demandez à la sœur de Jeannine de vous y conduire. Le frère de Jeannine. Demandez au frère de Jeannine de vous y conduire. Les sœurs de Jeannine. Demandez aux sœurs de Jeannine de vous y conduire. La mère de Jeannine. Demandez à la mère de Jeannine de vous y conduire. Le gérant de l'hôtel. Demandez au gérant de l'hôtel de vous y conduire. Practice drill A 5. Les bagages sont à la gare. Les bagages sont à la gare. Guichet 2. Les bagages sont au guichet 2. Enregistrement. Les bagages sont à l'enregistrement. Premier étage. Les bagages sont au premier étage. Location. Les bagages sont à la location. Hôtel. Les bagages sont à l'hôtel. Bureau. Les bagages sont au bureau. Porte. Les bagages sont à la porte. This is the end of tape 3, unit 3.